Deutéronome chapitre 27, Or Moïse et les anciens d'Israël commandèrent au peuple, en disant, gardez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. C'est qu'au jour que tu auras passé le Jourdain pour entrer au pays, que l'Éternel ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes pierres, et tu les enduiras de chaux, puis tu écriras sur elles toutes les paroles de cette loi, quand tu auras passé, afin que tu entres au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, qui est un pays découlant de lait et de miel, ainsi que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'en a parlé. Quand donc vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez ces pierres-là sur la montagne d'Ébal, selon que je vous le commande aujourd'hui, et vous les enduirez de chaux. Tu bâtiras aussi là un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel, dis-je, de pierre, sur lesquels tu ne lèveras point le fer. Tu bâtiras l'autel de l'Éternel ton Dieu de pierre entière, et sur cet autel tu offriras des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu y offriras aussi des sacrifices de prospérité, et tu mangeras là, et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu écriras sur ces pierres-là toutes les paroles de cette loi, en les exprimant bien nettement. Et Moïse et les sacrificateurs, qui sont de la race de Lévi, parlèrent à tout Israël, en disant, écoute et entends, Israël, tu es aujourd'hui devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras donc à la voix de l'Éternel, ton Dieu et tu feras ses commandements et ses statuts que je te prescris aujourd'hui. Moïse commanda aussi en ce jour-là au peuple, en disant, ceux-ci se tiendront sur la montagne de Guérizim pour bénir le peuple, quand vous aurez passé le Jourdain, savoir Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph, et Benjamin, et ceux-ci, Ruban, Gad, Aser, Zabulon, Dan, et Nephtali, se tiendront sur la montagne d'Ébal, pour maudire. Et les Lévites prendront la parole, et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël, maudit soit l'homme qui fera une image taillée, ou de fonte, car c'est une abomination à l'Éternel, l'ouvrage des mains d'un ouvrier, et qui la mettra dans un lieu secret, et tout le peuple répondra, et dira, Amen. Maudit soit celui qui aura méprisé son père, ou sa mère, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui transporte les bornes de son prochain, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui fait égarer l'aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui fait injustice à l'étranger, à l'orphelin, et à la veuve, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il découvre le pan de la robe de son père, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui prend quelque présent pour mettre à mort l'homme innocent, et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui ne persévère point dans les paroles de cette loi, pour les faire, et tout le peuple dira, Amen.